Ça va les amigos? Oui. Alors c'est rare que je sois là le mardi, parce que normalement le mardi matin, moi je suis chez moi et tout à mon aise, j'écoute la radio, la crème de la crème, j'écoute 100% Bruno, le 11 000 30 de Bruno Maigret sur Courtoisie. Donc, vraiment, c'est... J'aime bien parce que ça parle pas que de politique, il y a des chants, il y a des exercices. Mais ce matin et dans les semaines à venir, je vais bosser le mardi en fait pour remplacer... ma camarade Agnès Hurstel qui a voulu prendre un peu de distance avec, je cite, l'atmosphère toxique de la bande originale, en particulier l'attitude de Madame Leila Kadour Boudadi à qui échappe manifestement toute forme de sororité. J'ai pas lu tout le rapport prud'hommes, mais elle en a gros sur la patate. C'est surtout moi, ça. Allez, tu regardes Leila, tu dis harcèlement moral, elle, vraiment. Oui. Pourtant. Je l'ai eu au téléphone, Agnès. Elle m'a dit, mec, il fallait absolument que je trouve un moyen de faire un break avec l'émission. J'ai dit, putain, de là à faire un enfant juste pour ça, quoi. Elle me dit, ouais, moi non plus, je sais pas trop ce que je vais en faire après. Et tout. Dit, ouais, l'enfant, tu t'en fous. Au pire, tu peux toujours le revendre et tout. C'est 700 euros facilement gagné, tu vois. Mais ceci dit, j'ai dit, si tu voulais juste un break, t'aurais pu demander gentiment à Nagui. Nagui, il est à l'écoute et tout. Elle m'a fait lol. Je fais, ouais, j'avoue. Elle me dit, c'est vrai, à propos. Elle me dit, ils vont prendre qui pour l'intérim vu qu'on est que deux chroniqueuses, je suppose que ce sera une femme. Et on salue le choix de France Inter d'avoir choisi. Pour remplacer l'une des seules figures féminines de cette émission, un homme blanc hétérosexuel qui plus est, un profil qu'on qualifie souvent de fiable et de ayant déjà fait ses preuves dans l'histoire quand même. J'en parlais avec Laurence Bloch, la patronne de France Inter, que je connais un petit peu parce qu'on a le même prof de satanisme et on se réunit deux fois par semaine dans son donjon, on écoute Benabar à l'envers, tu vois, il y a des messages. Et je lui disais, Laurence Bloch, j'avoue que remplacer une fille en tant qu'homme blanc, moi sincèrement, puis une fois, Ernesto, fils de Christine Scott Thomas et Napalé Tuvier. Déjà de 1, tu es belge, c'est pas vraiment blanc. Tu vois, belge, c'est plus écru, tu vois, vraiment. C'est pas vous l'élite du concept, quoi. Elle m'a dit, Ernesto, il n'y a aucun white suprémaciste qui rêve d'être belge, quoi. Vraiment, ça, je te le dis. Et je lui fais, c'est pas faux, Laurence Bloch. Elle me dit, et quoi? Je dis, vous avez dit t'es belge, c'est quoi la suite? Mais t'es déjà parti avec son deuxième argument. Tiens, en parlant de bébé, je lis un truc sur la PMA. Vous savez qu'aux États-Unis, certains employeurs prennent leur charge la PMA, genre Starbucks, par exemple, paye 15 000 $ à ses employés qui ont recours à une fécondation in vitro. C'est un chouette petit bonus quand même pour les employés, un enfant. Moi, je trouve ça que c'est inter tout ce qu'on t'offre, c'est la plastification de ton badge, tu vois, vraiment. Et encore, quand t'as qu'une chronique par semaine, tu dois financer une partie de ta puce, tu vois, vraiment, un truc. C'est vrai, faut savoir qu'aux États-Unis, un bébé via PMA, ça coûte environ 50 000 $. Je lisais une interview de Pierre Rabhi sur le sujet qui disait, moi perso avec 50 000 balles je préfère m'acheter un coupé sport et aller piner des meufs, tu vois, vraiment. Non. Pierre Rabhi, on aime ou on n'aime pas, mais il a un côté, tu vois, il a un avis qui tranche, il est franc du collier. Et je pensais à ça dimanche quand j'ai croisé Daniel Morin à la manif anti PMA avec son t-shirt Marion Maréchal pour l'enfance, Marion Maréchal pour la France. Celui-là depuis qu'il sort avec Frigide Bardot, c'est fini l'immobilisme, il s'engage. Et on disait c'est qu'en France, dans certaines limites, la PMA est couverte par la sécurité sociale, quoi. C'est quand même une belle consolation, surtout quand ton enfant il est vraiment moche, tu vois. Tu dis, bon, voilà, au moins tu ressembles à rien, mais je suis remboursé, quoi. C'est quand même un truc chouette. Mais vivement que je sois invité dans 100% Bruno, que je suis. Et j'en profite pour faire un énorme bisou à Agnès et à sa future descendance. Allez, bonne nuit. Merci, bien.